Radio Campus, l'ambassade de la République de Pocahou en France et le consulat de Pocahou à Toulouse présentent La voix du Pocahou pour le monde entier. Dix minutes de culture, science et art pocahoutien à travers de Radio Pocahou International. On transmet en 35 langues pour 45 pays, totalement en direct depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 45 écureuils qui courent sans arrêt dans le palais royal du Maharaja du Pocahou. Chers auditeurs, vous êtes bien sur les 94 de la bande FM Radio Campus Toulouse, la seule station en France où vous pouvez écouter la radio internationale de Pocahou. Je suis Mélissa Suarez-El-Réal et aujourd'hui on est ravis parce qu'on commence le compte régressif pour la célébration la plus attendue à Pocahou, celle de l'anniversaire de notre gouvernant, le Maharaja Rahapoustak III. Dans les pays républicains, peut-être vous ne comprendrez pas qu'on soit aussi fier et content de notre monarchie. Mais je peux vous assurer que la sagesse, la justice et la bonté de notre Maharaja rendent le peuple pocahoutien très très très content. Dès maintenant, la radio internationale de Pocahou est pleine de bonheur, de joie, d'allégresse, mais aussi d'argent, parce qu'il y a plein de financements pour toutes les célébrations pour son excellence, le Maharaja. C'est à propos de ça qu'on va consacrer cette émission. Donc, tout à long du programme, vous pourrez entendre les différentes façons de fêter à Pocahou. D'abord, on sait qu'on est heureux que 45 jours pour l'anniversaire de son excellence, le Maharaja, et que bientôt on pourrait écouter sa chanson rituelle des 365 jours autour du soleil. Voici, pour ceux qui ne pourront pas assister aux fêtes royales d'anniversaire, un morceau de cette chanson appelée « Ohaeo ». Ça, un Pocahoutien veut dire « Heureusement, une autre année autour du soleil ». Radio Pocahou, la préférée du Maharaja. Bye. Vous écoutez toujours la radio internationale de Pocahou. Ce qu'on vient d'écouter s'appelait Oaeo et a été composé par Iwayan Sadra, et spécialement pour Sa Majesté. Mais j'imagine que vous vous posez la question. S'il est obligatoire alors de fêter et de danser, comment est-ce qu'on danse toutes ces musiques à Pocahou? Bon, la réponse, me semble-t-il, n'est pas facile à expliquer. Pendant la célébration d'anniversaire du Maharaja, il y a les gens qui dansent simplement comme ils peuvent ou ils veulent. Il y a aussi les gens qui s'entraînent tout au long de l'année, spécialement pour ce mois de fête royale. Mais il y a aussi les moines qui s'entraînent ne pas seulement toute l'année, mais toute sa vie pour pratiquer les danses traditionnelles pocahoutiennes. Par exemple, les moines Pukash commencent leur apprentissage à partir de 10 ans. À cet âge, il commence à faire de la gymnase et à jouer des instruments musicaux. Sa façon de danser et de jouer de la musique est tellement compliquée qu'il faut environ 10 ans jusqu'à ce qu'il devienne des vrais moines artistes. Mais quelle est alors la façon de danser? Vous vous poserez la question. Disons que la qualité unique de ces moines danseurs est qu'ils sont capables de bouger chaque partie de son corps au rythme de la musique, indépendamment. Et comme la musique est aussi compliquée, ces moines sont capables de bouger alors chaque partie de son corps avec un rythme différent. Alors si dans un morceau on joue de la guitare et du piano, il faut bouger alors les pieds en rapport au piano et les mains en rapport à la guitare. La concentration, la souplesse et plutôt l'amour pour l'art sont des qualités nécessaires. Voici un morceau typiquement interprété et dansé par les moines Pukash. PKJU, Radio Pocahou International. C'était un morceau composé par Damaso Pérez Prado. Ça s'appelle le Mambo Polytechnique, parce qu'en fait, au Mexique, c'est ça l'hymne de l'école polytechnique. Il peut vous paraître très bizarre, mais en fait, si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à demander à n'importe quel Mexicain de chanter la rubrique de la chaîne télé de l'école polytechnique. Vous écoutez toujours la radio internationale de Pocahou. Aujourd'hui, on a consacré notre émission à la musique et la danse dédiée au Maharaja, pendant la célébration de son anniversaire numéro 53. Mais pas tout le monde, comme je l'ai déjà dit, se prépare aussi intensément que le moine Pukash. Par exemple, il y a les associations de voisins qui choisissent une chanson chaque année. La seule consigne pour les associations est de changer chaque année le style de musique qu'on danse. Cette année, le choix a été des valses prises de films. À la suite, une reprise à marcorde de Nino Rota, mais cette fois interprétée par Pascal Comlave. Je m'appelle Melisa Suarez del Real. Je suis ravie de vous avoir pu raconter un petit peu sur les traditions de notre île. Vous pouvez écouter la radio internationale de Pokajou tous les dimanches à 11h30 et les mardis à 17h. Merci bien et à bientôt. PKJU, Radio Pokajou International. Radio Pokajou conclut sa transmission pour aujourd'hui, mais continue la semaine prochaine.